Flavor, y'all. Nemesis! Encore une fois, Nemesis, on part du micro pour un clash. Cache-toi, mes mots, je ne mâche pas. C'est du bonheur que je crache. Cache-moi et tu gâches de chance de revoir le seul. Sache que ma bouche est un gun, mon style est affûté comme une hache. Lâche, jamais la faire, je t'agrippe, mets ton esprit à l'épreuve. J'œuvre pour ma cause et l'impact des balles en est la preuve. La sœur est en colère et l'air devient malsain. Qui dit que la réussite pour une fille se réduit à sa paire de seins. Là, je te ferai un dessin, mettre de côté le sexe à pile. Montrer qu'une négresse au micro peut te coller la pile. À quoi tu finis, j'apporte la terreur à ton seuil. Mes rimes explosent et j'ai mis tout ton entourage en deuil, même si maintenant tu me connais. Mon nom sillonne les rues et les milieux. Je suis au sommet, gâte-toi sous les mers à son milieu. Ainsi tu vas subir la tempête et la foudre. Encore une fois, Nemesis entre en scène et fait parler la poudre. La poudre, même si son rap c'est tout à fait caché. Sans filet, je pose mon style et maintenant tu sais quelle heure il est. La poudre, même si son rap c'est tout à fait caché. Sans filet, je pose mon style et maintenant tu sais quelle heure il est. La poudre, même si son rap c'est tout à fait caché. Sans filet, je pose mon style et maintenant tu sais quelle heure il est. Et maintenant, tu sais quelle heure il est. C'est Mac que je m'active. Je vaux mon pesant d'or. Mon dard paralyse mes victimes et terrorise le rappeur qui endort. L'opinion sort de ta léthargie. Je viens foutre en l'air les idées reçues et la saloperie en cœur. Je deviens mercenaire. Une sorte de choisie au féminin sert. Le vrai rap pour les frères engagés. Ceux qui désespèrent étouffés dans les cerfs du système en état de choc avancé. Développe ton cul et ton cul suivra pour danser. Positif, mouvement de masse, les bras se lèvent. Élève, je suis devenu maîtresse et ma voix s'élève. Comme le tonnerre, je gronde les tonnes. Mes pères et des tonnes. Dans tes oreilles, sans l'alarme, on fait des tonnes sur le beat. Le maximum en lyrics, mes mots se fixent. Sur le mic, j'axe la rix et sur ta peau comme un anthrax. X, XL pour la taille, négro, je suis trop lâche. J'en place une pour tout ce que mon style a rendu lâche. La poudre, MC, son rap, c'est tout à fait caché. Sans filet, je pose mon style et maintenant tu sais quelle heure il est. La poudre, MC, son rap, c'est tout à fait caché. Sans filet, je pose mon style et maintenant tu sais quelle heure il est. La poudre, MC, son rap, c'est tout à fait caché. Sans filet, je pose mon style et maintenant tu sais quelle heure il est. La poudre, MC, son rap, c'est avec un gilet. Sans filet, je pose mon style et maintenant tu sais quelle heure il est. Acte 3, scène 3, et là ça croit mon énergie. De surcroît, tu n'entendras jamais ça sur énergie. Le riz est le vrai, produit les bas-fonds nec, plus ultra en somme. La nouvelle donne en matière de tirer dans un univers d'homme. J'évolue seul dans la meute avec vélocité. Mon nom c'est Nemesis, tu peux m'appeler férocité. J'insiste, nul ne peut tester l'intestable. Incapable de rester stable, mes prouesses m'ont même rendu détestable. Aux yeux des détracteurs du rap en France, les spectateurs en transe. On m'a récompense, je me dépense et me fous de ce qu'on pense. Fais parler la poudre avant sans jamais douter. Tu vas goûter à ma folie, tous tes regards ce que ça t'a coûté. Tu vas subir et plier, supplier, crier, c'est inutile à lier. Je suis folle avec mon canon scié. Recule-toi, t'as pas gars si tu ne veux pas en découdre. Quand la déesse entre en scène, mec, elle laisse parler la poudre.